Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et pour cette dernière émission de la saison, nous vous proposons une rencontre entre la science et la religion. Alors Yves Gingras, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et qui travaille sur l'histoire et la sociologie des sciences, a publié ce printemps un livre intitulé « L'impossible dialogue ». Et Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval et qui nous parle souvent à l'émission d'évolution, a lui aussi écrit sur le sujet de la science et de la religion, notamment aux éditions VLB. Il a participé à un ouvrage collectif intitulé « Heureux sans Dieu » et aux éditions Mediapol, il a coécrit « Lettre ouverte, correspondance entre un athée et un chrétien ». Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, ça va? Oui, ça va très bien. Donc je pense que vous êtes la bonne personne également pour discuter de ce rapport entre la science et la religion. Et si on suit donc aux écrits, aux livres que vous avez écrits, donc « Heureux sans Dieu » et « Correspondance entre un athée et un chrétien », on devine que dans son dernier livre, dans ce dernier livre, vous étiez l'athée. Oui, voilà. D'accord. Et a priori, en fait, la science et la religion, on se dit, bon, chacun veut expliquer le monde un petit peu à leur manière et qu'elles pourraient converger, finalement. Mais il semble y avoir des divergences. Elles ne parviennent pas au même genre d'explication, peut-être à la même satisfaction, peut-être non plus pas aux mêmes aspirations. Alors, d'où vient cette divergence? Mais en fait, il y a peut-être pas nécessairement une divergence ou une convergence, mais j'aime mieux les considérer comme d'autres auteurs l'ont fait avant, comme Marie Victorin, par exemple, dans les années 20, comme deux mondes parallèles, deux visions parallèles, deux façons d'essayer d'expliquer le monde. Et ce sont deux façons tellement différentes que pour la science, par exemple, la religion ou la foi n'explique pas le monde. Ce qu'elle produit comme une tentative d'explication, c'est l'existence du créateur. Le créateur est la raison d'être et l'explication de tout. Donc, pour la science, ça, c'est pas une explication. Mais pourtant, dans les écrits fondamentaux, est-ce qu'on trouve pas toutes sortes d'explications, peut-être entre guillemets, de la genèse, l'apparition des êtres, des animaux, etc., la formation, la création de la Terre? Est-ce que pour certains, ça peut pas être une sorte d'explication? Oui, voilà, c'est une sorte d'explication, mais une explication qui existe dans le monde de la foi, dans le monde de la religion, et non pas dans le monde sur le terrain de la science, qui est le terrain de la raison. Donc, pour un scientifique, les explications religieuses du tonnerre, des comètes, des maladies, etc., ce ne sont pas des explications. Le sens explication pour la science, c'est de chercher des relations de cause à effet. Si on arrive à trouver la cause d'un phénomène quelconque, mais on a commencé à expliquer le phénomène. Et parfois, on l'explique suffisamment bien pour pouvoir faire des prédictions au sujet de ce phénomène-là. Ah oui. Alors que, dans le cas de la religion, l'attitude est tout à fait différente. On utilise Dieu comme explication ou on utilise le surnaturel ou une intervention surnaturelle comme explication. Et en science, ces explications, entre guillemets, sont inacceptables, sont non valides, ce ne sont pas de vraies explications. Mais aussi, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de la religion, il faut comme avoir la foi en un livre qui est écrit, voilà, puis qu'on ne remet pas en question, ce voilà, qui n'est pas du tout le cas de la science. C'est ça. Donc, dans le domaine de la religion, on est face à ce qu'on peut appeler une vérité révélée, voilà, qui est dans un écrit, alors que dans le cas de la science, ce sont des vérités découvertes, qu'on recherche et qu'on finit par découvrir éventuellement. Et une autre des distinctions profondes, c'est que, les croyants d'une certaine religion ou d'une religion en particulier considèrent que les vérités de leur religion sont des vérités immuables, sont des vérités dogmatiques, qui est pas justifié de remettre en question. Alors qu'au contraire, toutes les vérités en science sont provisoires. Toutes les théories sont provisoires. Ça peut paraître un défaut, mais en fait, c'est une grande qualité. C'est ce qui permet à la science de s'améliorer. D'avancer. Parce que si les vérités de la science au Moyen-Âge avaient été dogmatiques et inaltérables, bien, on serait encore au Moyen-Âge. Mais pourtant, vous parliez justement de Marie-Victorin. Donc, Marie-Victorin était un frère religieux, donc, et ça n'a pas empêché de faire de la botanique, de faire avancer la science. Voilà. Et puis, on voit aussi que, dans le passé, au Moyen-Âge, la Renaissance, il y a quand même des grands scientifiques qui, peut-être parce que dans le temps, on n'avait pas le choix d'être croyant, je ne sais pas, mais étaient croyants. Oui, absolument. Alors, si on remonte au temps de Galilée, Descartes, par exemple, ou Newton, la plupart des gens étaient croyants. Mais ils faisaient une distinction quand même assez nette entre leur croyance et les découvertes scientifiques. Et pour la plupart des chercheurs ou des scientifiques à l'époque, que ce soit en astronomie ou en mathématiques ou en physique, Le fait de leur objectif était de découvrir les lois de la nature, comme on dit. Et le fait de découvrir les lois de la nature, pour eux, c'était une façon de révéler en partie le génie du Créateur. Donc, pour eux, il n'y avait pas une contradiction entre les deux. Il y avait les lois de la nature qui avaient été instaurées par le Créateur, si on veut, et découvrir ces lois permettait de connaître un peu l'esprit ou le génie du Créateur. Alors, vous voyez, il y avait comme... on dirait peut-être un amalgame aujourd'hui ou un mélange entre les deux qui n'était pas contradictoire pour eux. Jusqu'au jour où il y en a un qui a découvert que finalement c'était pas la Terre qui était au centre de l'univers, mais que c'était plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil. Et là, il s'est peut-être confronté à ses croyances ou comment il a vécu ça, Galilée. Ouais, c'est sûr que quand on arrive à des découvertes ou des recherches scientifiques qui concernent notre espèce, c'est-à-dire la nature de notre espèce, sa nature biologique, sa position dans le cosmos, c'est sûr que là, on risque d'entrer en contradiction avec des affirmations dans la Bible, par exemple. Mais il y a une confrontation entre la découverte scientifique et ce qui est écrit dans la Bible, seulement si on lit la Bible au pied de la lettre, littéralement. Si on dit, ben voilà, c'est vrai, c'est un fait avéré que le monde a été créé en 6 jours et que Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Si on prend ça comme des vérités factuelles, ben là, évidemment, ça rentre en conflit avec les découvertes scientifiques qui constatent que les hommes n'ont pas une côte de moins, par exemple. Et qu'est-ce qu'il en est avec du côté de l'évolution, donc avec Darwin, parce que bon, là, c'est plus votre sujet, l'évolution. Donc Darwin aussi, quand il a pensé à la théorie de l'évolution, que finalement l'homme descendait d'espèces animales, etc. Il s'est retrouvé comme en conflit avec les croyances religieuses de l'époque aussi. Oui, absolument. Est-ce qu'on sait comment il a appris ça, comment il a vécu ça? Il l'a très mal vécu, dans le sens que, d'une certaine façon, Darwin était absolument convaincu d'avoir découvert l'évolution par sélection naturelle, qui se faisait toute seule, y compris pour notre espèce. Mais il ne voulait pas entrer en conflit avec son entourage, particulièrement avec sa famille. Sa femme était très croyante et ne voulait pas entrer en conflit. Et il se rendait bien compte que d'expliquer l'origine de l'homme comme on explique l'origine de toutes les autres espèces, ça bousculait la plupart des gens. Ça bousculait les croyances millénaires. Et on trouve dans une de ses correspondances l'expression suivante. Il dit, je me sens comme coupable d'un meurtre. Le meurtre étant avoir tué l'idée que l'humain aurait été créé indépendamment et serait au-dessus de la nature, serait le seul organisme vivant à avoir une âme, etc. Il considérait qu'il avait tué cette idée métaphysique. Et donc, il était très mal à l'aise avec ça. Et en même temps, il était convaincu qu'il avait raison. Donc, il était un peu en contradiction là, avec lui-même, mais voilà. Est-ce que c'est pour ça que ça a pris du temps, qu'il a pris du temps à publier l'origine des espèces? C'est une des hypothèses. Entre le moment où il formule dans ses carnets personnels l'idée de la sélection naturelle et de l'évolution par sélection naturelle et le moment où il publie, il se passe 21 ans. 21 ou 22 ans. Ouais. Donc, évidemment, il a été très, très lent à publier. Aujourd'hui, il perdrait complètement ses octrois de recherche s'il prenait autant de temps à publier. Mais peut-être que c'était une de ses motivations. Il n'osait pas trop bousculer parce qu'on voit, en 1859, il publie son livre sur l'évolution par sélection naturelle dans lequel un livre de 500 pages, il y a une seule phrase qui suggère peut-être que ça pourrait aider à comprendre l'humain, c'est seulement en 1871 qu'il publie un livre où il applique sa théorie à l'humain. Donc, on voit qu'il a hésité très longtemps. Mais comme il a hésité longtemps, il a douté longtemps, il a bien mûri son idée, il était convaincu d'avoir raison et l'avenir lui a donné raison. Aujourd'hui, on confirme constamment les théories de Darwin. On confirme constamment les théories de Darwin, mais il y a quand même ce courant créationniste à côté. Ouais, mais vous voyez, le courant créationniste, en fait, l'erreur du courant créationniste, on ne reproche pas aux créationnistes d'être créationnistes en soi, de croire que Dieu aurait créé l'humain, par exemple, et le reste de l'univers. On leur reproche de vouloir prétendre qu'il s'agit de science. Donc, c'est quand ils disent qu'ils sont des créationnistes scientifiques. Et ça, c'est pas vrai du tout. Et comment ils s'y prennent pour ça? Ben, ils s'y prennent en voulant redéfinir la science. Vous voyez, en science, on s'interdit de faire intervenir le surnaturel dans les explications. Faire intervenir le surnaturel, dire c'est Dieu qui a créé l'humain, ça disqualifie la science. On n'a plus besoin de chercher en paléoanthropologie, etc., en génétique, puisque c'est Dieu qui expliquerait l'origine de l'homme. Mais alors les créationnistes voudraient redéfinir la science de façon à pouvoir y inclure Dieu. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Mm-hmm. Dès Galilée et Descartes, autour de 1630, ces deux chercheurs ont formulé indépendamment ce qu'on appelle le postulat d'objectivité. Et le postulat d'objectivité dit, entre autres, qu'on n'a pas le droit d'invoquer des causes finales, des causes premières, des causes sans cause, une cause qui serait la cause de tout le reste. Mm-hmm. On le nomme pas, mais évidemment, on réfère à Dieu ici. Ouais. Donc, en science, on n'a pas le droit de le faire. La science ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas, mais elle n'a pas le droit d'inclure le surnaturel et pas plus que la magie ou le miracle dans ses explications. Et les créationnistes violent ce principe. Mm-hmm. D'accord. En voulant combiner les deux. Ils veulent combiner les deux dans la même explication, ce qui mène à rien. Je veux dire, c'est pas de la science du tout. Mm-hmm. Et au fur et à mesure donc qu'il y a eu ces découvertes scientifiques, donc aussi bien au niveau du système solaire, de la sélection naturelle, est-ce que la science a petit à petit pris le pas sur la religion? Oui, mais je dirais pour des mauvaises raisons. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on expliquait le tonnerre, qu'on expliquait les maladies, qu'on expliquait l'origine des espèces par des causes naturelles et sans intervention divine ou surnaturelle, bien évidemment, c'est comme si, à mesure, Dieu perdait sa raison d'être. Mm-hmm. Puisque si on explique le tonnerre autrement, bien lui, on n'a plus besoin de lui pour expliquer le tonnerre. Ouais. Mais je dis que c'est pour une mauvaise raison parce que ça correspond à ce qu'on appelle le Dieu. God of the gaps en anglais, le Dieu bouche-trou, si vous voulez. Mm-hmm. C'est-à-dire le Dieu qu'on invoque pour boucher les trous dans nos connaissances. Mais ça, c'est pas le Dieu de bien des croyants. Pour bien des croyants, Dieu, c'est autre chose que le bricoleur qui aurait bricolé l'univers, qui aurait bricolé les espèces. Donc, et cette attitude est perdante pour la science comme pour la religion, parce que si on invoque Dieu pour expliquer l'ensemble de l'univers et que la science explique de plus en plus de phénomènes, ben il y a de moins en moins de trous dans nos connaissances. Donc, Dieu est de moins en moins utile. Mm-hmm. Et éventuellement, Dieu risque de disparaître pour cette raison-là. Alors, pour la plupart des croyants, Dieu, c'est autre chose. Mm-hmm. Faudrait leur demander ce que c'est. Là, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Mais donc, Dieu est pas seulement le bouche-trou dans nos connaissances. Mm-hmm. Et puis, en fait, on est en train de parler de la religion, mais il y a plusieurs religions. Bien sûr. Donc, peut-être que toutes les religions peut-être que les connaissances scientifiques ne sont pas entrées en conflit avec toutes les religions non plus? Je dirais que les connaissances scientifiques sont rentrées en conflit avec pratiquement D'accord. toutes les religions. Parce que pratiquement toutes les religions ont des mythes de l'origine, des mythes qui expliquent la raison d'être de l'humain, la nature de notre espèce, les relations entre notre espèce et les autres. Et évidemment que la science contredit tous ces mythes, si on veut, de la même façon que contredit les mythes concernant les astres, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, etc. Donc, les connaissances scientifiques entrent en conflit avec les mythes métaphoriques qu'on trouve. D'accord. Si on les prend au pied de la lettre, il y a un conflit. Si D'accord. on les prend comme des métaphores ou en termes poétiques, bien sûr, il n'y a pas de conflit, là. Mm-hmm. Mais par contre, donc, comme vous le disiez, ça n'empêche pas qu'il y ait ce besoin peut-être de croire en quelque chose et qui n'est pas donc ce Dieu bouche-trou, mais ce Dieu, une sorte de puissance voilà. d'être. Voilà, ça c'est autre chose. C'est autre ouais. chose. La science est fondée sur la raison. Les croyances sont fondées sur une émotion, sur une attitude interne, intime. Et donc, il n'y a pas nécessairement de conflit entre les deux. Mm-hmm. Donc ça suggère que même aujourd'hui, on puisse être scientifique et croyant, c'est pas exclusif. Voilà, ça existe. Il y a des scientifiques qui sont des croyants, il y a des scientifiques qui sont athées, parce que la croyance et l'athéisme sont deux formes de croyance. L'athée est un croyant, il croit que Dieu n'existe pas. Mm-hmm. Donc sa croyance n'est pas supportée par la raison ou par la science. Donc c'est deux modes de pensée. Mm-hmm. Donc, si on veut, il y a la raison et il y a les émotions à côté. Mais alors, comme on disait tantôt, moi, je suis un athée, mais je peux pas vous expliquer rationnellement pourquoi je suis athée. Je peux pas vous expliquer, même dans mon histoire personnelle, comment je suis devenu athée. C'est une conviction intime qui ne se discute pas. Mais est-ce que c'est parce que, justement, on n'a pas besoin de l'hypothèse d'un Dieu pour expliquer... Pour expliquer le pourquoi, comment des choses qui nous entourent. Ben j'entends souvent cet argument-là. Est-ce que ça vient de là? J'entends souvent cet argument-là des gens qui disent ben tu es devenu athée parce que tu étais scientifique, mais c'est pas mon cas. Mm-hmm. Je sais pas comment l'exprimer exactement, mais c'est comme si pour moi les découvertes scientifiques sont pas une bonne raison pour arrêter de croire en Dieu. Mm-hmm. Alors là, D'accord. je parle peut-être de la croyance du vrai croyant, que moi je ne connais pas, mm-hmm. mais le vrai croyant n'a pas besoin du support de la science et des découvertes et de pour supporter sa foi, et de la même, à l'inverse, sa foi n'est pas menacée par les découvertes scientifiques. Mmh. Parce que tout à l'heure, je disais, je demandais si la science avait pris le pas sur la religion, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que certains courants religieux ou que certains religieux cherchent à grappiller un petit peu, chercher un petit peu de justification auprès de la science, de chercher un terrain d'entente avec la science pour se revaloriser un petit peu. Voilà, mais vous voyez, ce mouvement est à sens unique. C'est toujours des croyants qui mm-hmm. cherchent un support de la science. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans l'Église catholique au Vatican quand il arrive un témoignage de miracle. Qu'est-ce qu'on fait comme démarche? On fait affaire avec des scientifiques qui essaient de démontrer une explication naturelle, médicale à une guérison. S'ils n'arrivent pas à démontrer cette explication, mais là, on dit, ben voilà, il faut maintenant évoquer le miracle. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est une façon un peu tordue, dont on a déjà parlé ici, de se servir de la science pour valider les miracles. Or, la science ne peut pas valider les miracles, elle peut seulement disqualifier certaines guérisons du monde des miracles. Mm-hmm. Donc, les scientifiques qui essaient d'aller, les croyants qui essaient de recruter la science pour supporter leur foi, je dirais, c'est des croyants qui doutent. Mm-hmm. Et qui ont besoin du support de la science. Mais la science ne peut pas supporter leur foi. Mm-hmm. La foi est nécessairement aveugle. Mm-hmm. Pour croire, il faut fermer les yeux et éteindre notre raison, mm-hmm. à mon avis. Donc, on n'a pas besoin, de la même façon que le croyant n'a pas besoin de la science pour supporter sa foi, l'aveugle n'a pas besoin de la lumière pour mieux percevoir. Mm-hmm. La lumière n'existe pas dans son monde. Donc, dans le monde du croyant, on ne devrait pas invoquer la science. La science est inutile. Mm-hmm. Mais l'envers de la médaille, c'est que la science ne peut pas nuire à la foi non plus, mm-hmm. pour le vrai croyant. Mm-hmm. Donc, de découvrir que l'humain est un produit de l'évolution par sélection naturelle, c'est pas une bonne raison d'arrêter de croire. Oui, oui, d'accord. Et puis, donc, dans ce sens-là, est-ce que vous rejoignez Yves Gingras dans son impossible dialogue? Oui, oui, absolument, oui. Absolument. Mais évidemment, là, on va se buter à la question de la définition du dialogue. À mon avis, un véritable dialogue entre deux, par exemple, entre un athée et un croyant, ce serait une conversation où chacun des deux peut puiser des éléments de l'argument de l'autre, puis améliorer son argumentation, améliorer sa compréhension avec les arguments de l'autre. C'est ça, il faut qu'il y ait un point de discussion, au moins, il faut qu'il y ait un point commun. Faut parler des mêmes sujets, faut en parler de la même façon, avec les mêmes critères de validation, etc. Et dans le cas de la religion et de la science, on ne trouve pas ça. Ce sont vraiment deux mondes parallèles, deux mondes qui, à mon avis, il ne peut pas y avoir un véritable dialogue. Le mieux qui peut arriver, c'est que chacune des deux parties, croyant et athée, essaie de mieux connaître et de mieux comprendre la position de l'autre et respecte la position de l'autre. Ouais. Mais on ne peut pas aller plus loin. Mm-hmm. On ne peut pas combiner la science et la religion dans un discours commun, un discours cohérent qui permettrait d'améliorer les deux. Il y a plein d'auteurs qui l'ont essayé depuis toujours. Un des mieux connus des années 50, c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui était un jésuite paléontologue. Dans son livre « Le phénomène humain », il essaie de combiner la science et sa croyance. Puis on voit que le résultat est, pour un scientifique, le résultat est lamentable. Je veux dire, il fait des contorsions intellectuelles pour essayer de marier les deux, mais ça ne marche pas. Mm-hmm. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux l'attitude de quelqu'un comme le frère Marie-Victorin ou Georges Lemaître, mm-hmm. qui était un religieux et qui était à l'origine de la théorie du Big Bang, ce qu'il appelait l'atome primordial. Mais ces auteurs disent clairement, il faut laisser aller la science et la religion sur leur chemin parallèle. Mais pourtant, il y a quand même des scientifiques qui étudient le fait religieux. Ça n'empêche pas qu'on étudie le fait religieux avec une méthode scientifique. Voilà. Alors ça, c'est plus une étude de psychologie ou de sociologie ou d'anthropologie, si on pense aux origines de la religion chez les préhumains, chez l'homme de Néandertal ou chez Cro-Magnon. Alors ça, ce que je connais de ce qu'on appelle la science des religions, c'est de cet ordre-là. C'est pas la science qui étudie les objets de foi. C'est pas la science qui étudie le surnaturel ou Dieu ou la vie après la mort. On étudie le phénomène religieux. Mm-hmm. Et c'est un phénomène extrêmement important et intéressant puisque on trouve des croyances religieuses dans à peu près toutes les cultures à toutes les époques. Donc, à mon avis, la croyance religieuse fait partie de l'espèce humaine. C'est ça. Comme le fait d'être bipède et d'utiliser un langage, la croyance religieuse, si elle est aussi répandue, c'est pas pour rien. C'est un indice, c'est un indicateur de l'importance de la croyance religieuse. Parce qu'il y a des scientifiques aussi, des neuroscientifiques qui s'intéressent à ce qui se passe dans le cerveau quand les gens sont en train de prier, par exemple. Bien sûr que quand on prie, il se passe quelque chose dans le cerveau, comme quand on mange une pomme, il se passe quelque chose dans le cerveau, mais ça veut pas dire qu'on a découvert le neurotransmetteur de Dieu ou le gène de Dieu ou quoi que ce soit. C'est évident que quand on prie, c'est une activité intellectuelle, mentale particulière, qui est différente de la lecture, qui est différente de la marche. Donc, il y a des zones du cerveau qui s'activent, il y a des neurotransmetteurs qui sont produits. Mais tout comme ça se passe quand quelqu'un est en train de peindre ou de pondre un texte ou de jouer de la musique ou d'écrire une partition. Voilà. Ces études de neurophysiologie, neuroanatomie restent en entier dans le domaine de la science. Ça ne donne pas accès au surnaturel. Mais aussi, vous disiez que la foi, la religion, en fait, c'est une question de foi et on a une foi absolue dans le texte fondateur de la religion. Mais est-ce que cet argument ne peut pas être tourné contre la science également, qui demande aussi aux scientifiques d'avoir une foi absolue, entre guillemets, une foi absolue en la science et de ne pas regarder ailleurs? C'est-à-dire que les scientifiques ne nient pas l'existence de d'autres modes de pensée, comme la poésie, l'art, l'esthétique, etc. Mais en science, on insiste pour qu'il y ait une démarcation très nette entre les modes de pensée. Donc, on n'est pas aveugle, on n'est pas ignorant des autres modes de pensée, mais on veut s'assurer que les autres modes de pensée ne viennent pas diluer la science. Comme par exemple, quand on essaie de faire des rapprochements entre la physique quantique et la spiritualité orientale, ben je pense que c'est intéressant comme exercice, mais il faut pas aller jusqu'à diluer, déformer, dénaturer, trahir la science en la mélangeant à autre chose. Parce que la science, c'est un outil. Alors, c'est pas une question de chasse gardée, c'est pas une question de défendre un territoire ou de défendre un supposé pouvoir des scientifiques ou de la science. C'est juste de s'assurer que l'engagement de la science demeure très clair, c'est-à-dire interdire l'invocation du surnaturel pour expliquer quoi que ce soit. Mais là, vous disiez, donc, vous parliez de physique quantique pour... La physique quantique qu'on associe à la spiritualité orientale. Très souvent, on dit, il y a des rapprochements, la perception qu'on se fait de la réalité ou de l'univers. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. L'exercice n'est pas sans intérêt, mais ce n'est pas un exercice qui améliore la science ou qui permet de mieux comprendre la spiritualité. La science ne nie pas l'importance de d'autres modes de pensée, mais elle insiste pour ne pas diluer la méthode scientifique. D'accord, c'est ça. Diluer l'outil. D'accord. Comme les créationnistes le font, vous voyez, les créationnistes disent, on n'arrive pas à comprendre l'origine de l'univers, on n'arrive pas à comprendre l'origine de la vie. La science, aujourd'hui, n'arrive pas à le comprendre correctement. Donc, on n'a pas le choix, il faut invoquer Dieu. Si on n'arrive pas à le comprendre, il faut invoquer Dieu. Et là, c'est un peu un abus de confiance dans la science. C'est comme de dire, si l'explication scientifique de l'origine de l'univers existait, on l'aurait trouvée. Si on ne l'a pas trouvé, c'est parce qu'il faut invoquer Dieu. C'est une disqualification de la science. C'est pas une attitude. C'est anti-scientifique d'avoir cette attitude-là. Je la comprends, l'attitude, parce qu'on est frustré de ne pas comprendre encore l'origine de l'univers ou l'origine de la vie. Et on se dit, on capitule. C'est une capitulation de la raison. C'est comme une insulte à l'intelligence de l'humain, puis dire, on ne sera jamais capable de l'expliquer naturellement, donc on invoque Dieu. On vient disqualifier la science quand on fait ça. Absolument. Puis quand un esprit un petit peu rationnel va se dire, mais qu'est-ce qui explique l'origine, la présence de Dieu? Il faut qu'il y ait un être encore plus surnaturel pour avoir... mais le croyant sera pas ébranlé, le vrai croyant sera pas ébranlé par cet argument, parce que le vrai croyant va vous dire, c'est comme ça. La croyance, la foi, ce n'est pas irrationnel. C'est-à-dire que c'est pas fou de croire. Ou c'est pas fou de ne pas croire. C'est pas irrationnel d'être athée, mais c'est arationnel. C'est-à-dire que c'est sans support de la raison. On croit vraiment, à mon avis, on croit les yeux fermés. Quand on dit on a une foi éclairée, pour moi, une foi éclairée, c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est une contradiction. La foi ne peut pas être éclairée par la raison, à mon avis. De la même façon que si on dit une foi aveugle, c'est un pléonasme. La foi est nécessairement aveugle. C'est ma perception des choses. Je suis pas le seul à le percevoir comme ça, mais je pense que ma perception trahit le désir de bien démarquer, de bien tracer la frontière entre la raison et la science d'un côté et la foi et la religion de l'autre. Et puis ça n'empêche pas donc les religieux de croire, de trouver leur bonheur dans la dans la religion. Absolument. Ça n'empêche pas un chercheur de faire sa recherche et ça n'empêche pas un chercheur d'être croyant. Ça n'empêche pas. En séparant les deux voies. Ça n'empêche pas un chercheur d'être croyant parce que la recherche scientifique, c'est fondée sur la raison et la foi, c'est fondée sur une émotion, sur une impression intime et profonde, mais qui n'est pas rationnelle. Eh bien, c'est encore une discussion qui nous a turlupiné les neurones. Merci beaucoup, Cyril, pour cette discussion et toutes les autres, d'ailleurs, que nous avons eues tout au cours de cette saison. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, lors de la saison prochaine. Bien, je l'espère bien. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Alors, nous étions en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de l'Université Laval. On va faire une pause musicale, non, une pause publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, Mélanie Jean nous parle d'un urbanisme à New York qui fait la place aux piétons et aux cyclistes.